Section 4 de Arsène Lupin contre Herlock Sholmès. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Gilles Leblanc. Arsène Lupin contre Herlock Sholmès par Maurice Leblanc. Section 4. Le diamant bleu. Suite. Résumons cette curieuse affaire dont les émouvantes et dramatiques péripéties nous ont tous passionnés et sur laquelle il m'est enfin permis de jeter quelques lumières. Le soir du 10 août, les hôtes de M. et Mme de Crozon étaient réunis dans le salon du magnifique château qui domine la baie de la Somme. On fit de la musique. La comtesse se mit au piano et posa sur un petit meuble près de l'instrument ses bijoux, parmi lesquels se trouvait la bague du baron d'Autrec. Au bout d'une heure, le comte se retira, ainsi que ses deux cousins, les Dandel et Madame de Réal, une amie intime de la comtesse de Crozon. Celle-ci resta seule avec M. Bleschen, consul autrichien, et sa femme. Ils causèrent, puis la comtesse éteignit une grande lampe située sur la table du salon. Au même moment, M. Bleschen éteignait les deux lampes du piano. Il y eut un instant d'obscurité, un peu d'effarement, puis le consul alluma une bougie, et tous trois gagnèrent leurs appartements. Mais à peine chez elle, la comtesse se souvint de ses bijoux et enjoignit à sa femme de chambre d'aller les chercher. Celle-ci revint, et les déposa sur la cheminée sans que sa maîtresse les examinât. Le lendemain, Madame de Crozon constata qu'il manquait la bague au diamant bleu. Elle avertit son mari. Leur conclusion fut immédiate. La femme de chambre étant au-dessus de tout soupçon, le coupable ne pouvait être que M. Bleschen. Le comte prévint le commissaire central d'Amiens, qui ouvrit une enquête et, discrètement, organisa la surveillance la plus active pour que le consul autrichien ne pût ni vendre ni expédier la bague. Jour et nuit, les agents entourèrent le château. Deux semaines s'écoulent sans le moindre incident. M. Bleschen annonce son départ. Ce jour-là, une plainte est déposée contre lui. Le commissaire intervient officiellement et ordonne la visite des bagages. Dans un petit sac dont la clé ne quitte jamais le consul, on trouve un flacon de poudre de savon. Dans ce flacon, la bague. Madame Bleschen s'évanouit. Son mari est mis en état d'arrestation. On se rappelle le système de défense adopté par l'inculpé. Il ne peut s'expliquer, disait-il, la présence de la bague que par une vengeance de M. de Crozon. Le comte est brutal et rend sa femme malheureuse. J'ai eu un long entretien avec celle-ci, elle l'est vivement engagée au divorce. Mis au courant, le comte s'est vengé en prenant la bague et lors de mon départ en la glissant dans le nécessaire de toilette. Le comte et la comtesse maintinrent énergiquement leur plainte. Entre l'explication qu'ils donnaient et celle du consul, toutes deux également possible, également probable, le public n'avait qu'à choisir. Aucun fait nouveau ne fit pencher l'un des plateaux de la balance. Un mois de bavardage, de conjectures et d'investigations n'amena pas un seul élément de certitude. Ennuyé par tout ce bruit, impuissant à produire la preuve évidente de culpabilité qui eût justifié leur accusation, Monsieur et Madame de Crozon demandèrent qu'on leur envoyât de Paris un agent de la sûreté capable de débrouiller les fils de l'écheveau. On envoya Ganimard. Durant 4 jours, le vieil inspecteur principal furta, potina, se promena dans le parc, eut de longues conférences avec la bonne, avec le chauffeur, les jardiniers, les employés des bureaux de poste voisins. Visita les appartements qu'occupa le ménage Bleschen, les cousins Dandel et Madame de Réal. Puis, un matin, il disparut sans prendre congé de ses hôtes. Mais une semaine plus tard, il recevait ce télégramme. « Vous prie venir demain, vendredi, 5h, soir, au thé japonais, rue Boissy-d'Anglas, Ganimard. » À 5h exactement, ce vendredi, leur automobile s'arrêtait devant le numéro 9 de la rue Boissy-d'Anglas. Sans un mot d'explication, le vieil inspecteur qui les attendait sur le trottoir les conduisit au premier étage du thé japonais. Ils trouvèrent dans l'une des salles deux personnes que Ganimard leur présenta. M. Gerbois, professeur au lycée de Versailles, à qui, vous vous en souvenez, Arsène Lupin vola un demi-million. M. Léonce d'Autrec, neveu et légataire universel du baron d'Autrec. Les quatre personnes s'assirent. Quelques minutes après, il en vint une cinquième. C'était le chef de la sûreté. M. Doudouy paraissait d'assez méchante humeur. Il salua et dit « Qu'est-il donc, Ganimard? On m'a remis à la préfecture votre avis téléphonique. Est-ce sérieux? » « Très sérieux, chef. Avant une heure, les dernières aventures auxquelles j'ai donné mon concours auront leur dénouement ici. Il m'a semblé que votre présence était indispensable. » « Et la présence également de Dieuzy et de Folenfant que j'ai aperçu en bas aux environs de la porte? » « Oui, chef. » Et en quoi? S'agit-il d'une arrestation? Quelle mise en scène! Allons, Ganimard, on vous écoute. Ganimard hésita quelques instants, puis prononça avec l'intention visible de frapper ses auditeurs. Tout d'abord, j'affirme que M. Bleschen n'est pour rien dans le vol de la bague. Oh, oh, fit M. Duduy, c'est une simple affirmation, et fort grave. Et le comte demanda, est-ce à cette découverte que se bornent vos efforts? Non, monsieur. Le surlendemain du vol, les hasards d'une excursion en automobile ont mené trois de vos invités jusqu'au bourg de Crécy. Tandis que deux de ces personnes allaient visiter le fameux champ de bataille, la troisième se rendait en hâte au bureau de poste et expédiait une petite boîte ficelée, cachetée, suivant les règlements, et déclarée pour une valeur de 100 francs. M. de Crozon objecta. Il n'y a rien là que de naturel. Peut-être vous semblera-t-il moins naturel que cette personne, au lieu de donner son nom véritable, ait fait l'expédition sous le nom de Rousseau, et que le destinataire, un M. Belou, demeurant à Paris, ait déménagé le soir même du jour où il recevait la boîte, c'est-à-dire la bague. « Il s'agit peut-être, interrogea le comte, d'un de mes cousins d'Andel. Il ne s'agit pas de ces messieurs. Donc de Madame de Réal. » « Oui. » La comtesse s'écria, stupéfaite. « Vous accusez mon amie Madame de Réal ?»« Une simple question, madame, répondit Ganimard. Madame de Réal assista-t-elle à la vente du diamant bleu ?»« Oui, mais de son côté... » « Nous n'étions pas ensemble. Vous avait-elle engagé à acheter la bague ?» La comtesse rassembla ses souvenirs. « Oui, en effet, je crois même que c'est elle qui m'en a parlé la première. »« Je note votre réponse, madame. Il est bien établi que c'est Madame de Réal qui vous a parlé la première de cette bague et qui vous a engagé à l'acheter. Cependant, mon ami est incapable. » Pardon, pardon, Madame de Réal n'est que votre amie occasionnelle et non votre amie intime, comme les journaux l'ont imprimé, ce qui a écarté d'elle les soupçons. Vous ne la connaissez que depuis cet hiver. Or, je me fais fort de vous démontrer que tout ce qu'elle vous a raconté sur elle, sur son passé, sur ses relations, est absolument faux, que Madame Blanche de Réal n'existait pas avant de vous avoir rencontré, et qu'elle n'existe plus à l'heure actuelle. « Et après ?»« Après ?» fit Ganimard. « Oui, toute cette histoire est très curieuse, mais en quoi s'applique-t-elle à notre cas? Si tant est que Madame de Réal ait pris la bague, ce qui n'est nullement prouvé, pourquoi l'a-t-elle cachée dans la poudre dentifrice de M. Bleschen? Que diable, quand on se donne la peine de dérober le diamant bleu, on le garde. Qu'avez-vous à répondre à cela? Moi? Rien. Mais Madame de Réal y répondra. Elle existe donc? Elle existe, sans exister. En quelques mots, voici. Il y a 3 jours, en lisant le journal que je lis chaque jour, j'ai vu en tête de la liste des étrangers à Trouville, Hôtel Beau Rivage, Madame de Réal, etc. Vous comprendrez que le soir même, j'étais à Trouville et que j'interrogeais le directeur de Beau Rivage. D'après le signalement et d'après certains indices que je recueillis, cette Madame de Réal était bien la personne que je cherchais. Mais elle avait quitté l'hôtel, laissant son adresse à Paris, 3, rue du Colisée. Avant-hier, je me suis présenté à cette adresse, et j'appris qu'il n'y avait point de Madame de Réal, mais tout simplement une Dame Réal, qui habitait le 2e étage, qui exerçait le métier de courtière en diamant et qui s'absentait souvent. La veille encore, elle arrivait de voyage. Hier, j'ai sonné à sa porte et j'ai offert à Madame Réal, sous un faux nom, mes services comme intermédiaire auprès de personnes en situation d'acheter des pierres de valeur. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous ici pour une première affaire. Comment? Vous l'attendez? À 5h30. Et vous êtes sûr? Que c'est la Madame de Réal du château de Crozon? J'ai des preuves irréfutables. Mais écoutez, le signal de Folenfant. Un coup de sifflet avait retenti. Ganimard se leva vivement. Il n'y a pas de temps à perdre. Monsieur et Madame de Crozon, veuillez passer dans la pièce voisine. Vous aussi, Monsieur d'Autrec. Et vous aussi, Monsieur Gerbois. La porte restera ouverte. Et au premier signal, je vous demanderai d'intervenir. Restez, chef, je vous en prie. Et s'il arrive d'autres personnes, observa M. Dudouis. Non, cet établissement est nouveau, et le patron, qui est un de mes amis, ne laissera monter âme qui vive, sauf la dame blonde. La dame blonde, que dites-vous? La dame blonde elle-même, chef, la complice et l'amie d'Arsène Lupin, la mystérieuse dame blonde, contre qui j'ai des preuves certaines. Mais contre qui je veux en outre et devant vous réunir les témoignages de tous ceux qu'elle a dépouillés. Il se pencha par la fenêtre. Elle approche. Elle entre. Plus moyen qu'elle s'échappe. Folenfant et Dieuzy gardent la porte. La dame blonde est à nous, chef. Presque aussitôt, une femme s'arrêtait sur le seuil, grande, mince, le visage très pâle et les cheveux d'un or violent. Une telle émotion suffoqua Ganimard qu'il demeura muet, incapable d'articuler le moindre mot. Elle était là, en face de lui, à sa disposition. Quelle victoire sur Arsène Lupin, et quelle revanche! Et en même temps, cette victoire lui semblait remportée avec une telle aisance qu'il se demandait si la dame blonde n'allait pas lui glisser entre les mains grâce à quelques-uns de ces miracles dont Lupin était coutumier. Elle attendait, cependant, surprise de ce silence, et regardait autour d'elle sans dissimuler son inquiétude. « Elle va partir, elle va disparaître, » pensa Ganimard, effaré. Brusquement, il s'interposa entre elle et la porte. Elle se retourna et voulut sortir. « Non, non, » fit-il, « pourquoi vous éloigner ?»« Mais enfin, monsieur, je ne comprends rien à ces manières, laissez-moi. » »« Il n'y a aucune raison pour que vous vous en alliez, madame, et beaucoup au contraire pour que vous restiez. Cependant, inutile, vous ne sortirez pas. » Toute pâle, elle s'affaissa sur une chaise et balbutia. « Que voulez-vous ? » Ganimard était vainqueur. Il tenait la dame blonde. Maître de lui, il articula. « Je vous présente cet ami dont je vous ai parlé et qui serait désiré d'acheter des bijoux, et surtout des diamants. Vous êtes-vous procuré celui que vous m'aviez promis ? » ?»« Non, non, je ne sais pas. Je ne me rappelle pas. « Mais si, cherchez bien. Une personne de votre connaissance devait vous remettre un diamant teinté. Quelque chose comme le diamant bleu, ai-je dit en riant. Et vous m'avez répondu, « Précisément, j'aurai peut-être votre affaire. Vous souvenez-vous ? » Elle se taisait. Un petit réticule qu'elle tenait à la main tomba. Elle le ramassa vivement et le serra contre elle. Ses doigts tremblaient un peu. « Allons, dit Ganimard, je vois que vous n'avez pas confiance en nous, Madame de Réal. Je vais vous donner le bon exemple et vous montrer ce que je possède, moi. » Il tira de son portefeuille un papier qu'il déplia et tendit une mèche de cheveux. « Voici d'abord quelques cheveux d'Antoinette Bréa, arrachés par le baron et recueillis dans la main du mort. J'ai vu Mademoiselle Gerbois. Elle a reconnu positivement la couleur des cheveux de la dame blonde, la même couleur que les vôtres, d'ailleurs. Exactement la même couleur. » Madame Réal l'observait d'un air stupide, et comme si vraiment elle ne saisissait pas le sens de ses paroles, il continua. Et maintenant, voici deux flacons d'odeur, sans étiquette. Il est vrai, et vide, mais encore assez imprégnés de leur odeur pour que Mademoiselle Gerbois ait pu, ce matin même, y distinguer le parfum de cette dame blonde qui fut sa compagne de voyage durant 2 semaines. Or, l'un de ces flacons provient de la chambre que Madame de Réal occupait au château de Crozon, et l'autre de la chambre que vous occupiez à l'hôtel Beau Rivage. Que dites-vous? La dame blonde, le château de Crozon? Sans répondre, l'inspecteur aligna sur la table 4 feuilles. Enfin, dit-il, voici ces 4 feuilles, un spécimen de l'écriture d'Antoinette de Bréa, un autre de la dame qui écrivit au baron Herschmann lors de la vente du diamant bleu, un autre de Madame de Réal lors de son séjour à Crozon, et le 4e de vous-même, madame. C'est votre nom et votre adresse donnés par vous au portier de l'hôtel Beau Rivage à Trouville. Or, comparez les 4 écritures, elles sont identiques. Mais vous êtes fou, monsieur. Vous êtes fou. Que signifie tout cela? Cela signifie, madame, s'écria Ganimard dans un grand mouvement, que la dame blonde, l'amie et la complice d'Arsène Lupin, n'est autre que vous. Il poussa à la porte du salon voisin, se rua sur M. Gerbois, le bouscula par les épaules et l'attirant devant Madame Réal. « Monsieur Gerbois, reconnaissez-vous la personne qui enleva votre fille et que vous avez vue chez Maître Detninan? » « Non. » Il y eut comme une commotion dont chacun reçut le choc. Ganimard chancela. « Non. Est-ce possible? Voyons, réfléchissez. » C'est tout réfléchi. Madame est blonde, comme la dame blonde, pâle, comme elle, mais elle ne lui ressemble pas du tout. Je ne puis croire. Une pareille erreur est inadmissible. Monsieur Dautrec, vous reconnaissez bien Antoinette Bréa? J'ai vu Antoinette Bréa chez mon oncle. Ce n'est pas elle. Et madame n'est pas non plus Madame de Réal, affirma le comte de Crozon. C'était le coup de grâce. Ganimard en fut étourdi et ne broncha plus, la tête basse, les yeux fuyants. De toutes ces combinaisons, il ne restait rien. L'édifice s'écroulait. Monsieur Dudouis se leva. « Vous nous excuserez, madame, il y a là une confusion regrettable que je vous prie d'oublier. Mais ce que je ne saisis pas bien, c'est votre trouble, votre attitude bizarre depuis que vous êtes ici. » « Mon Dieu, monsieur, j'avais peur. Il y a plus de 100 000 francs de bijoux dans mon sac et les manières de votre ami n'étaient guère rassurantes. » « Mais vos absences continuelles... » « N'est-ce pas mon métier qui l'exige ?» Monsieur Dudouis n'avait rien à répondre. Il se tourna vers son subordonné. Vous avez pris vos informations avec une légèreté déplorable, Ganimard, et tout à l'heure, vous vous êtes conduit envers madame de la façon la plus maladroite. Vous viendrez vous en expliquer dans mon cabinet. L'entrevue était terminée, et le chef de la sûreté se disposait à partir, quand il se passa un fait vraiment déconcertant. Madame Réal s'approcha de l'inspecteur et lui dit « J'entends que vous vous appelez Monsieur Ganimard. Je ne me trompe pas? Non. En ce cas, cette lettre doit être pour vous. Je l'ai reçue ce matin, avec l'adresse que vous pouvez lire. Monsieur Justin Ganimard, au bon soin de Madame Réal. J'ai pensé que c'était une plaisanterie, puisque je ne vous connaissais pas sous ce nom, mais sans doute ce correspondant inconnu savait-il notre rendez-vous. Par une intuition singulière, Justin Ganimard fut prêt de saisir la lettre et de l'anéantir. Il n'osa devant son supérieur et déchira l'enveloppe. La lettre contenait ces mots qu'il articula d'une voix à peine intelligible. Il y avait une fois une dame blonde, un Lupin et un Ganimard. Or, le mauvais Ganimard voulait faire du mal à la jolie dame blonde, et le bon Lupin ne le voulait pas. Aussi, le bon Lupin, désireux que la dame blonde entrât dans l'intimité de la comtesse de Crozon, lui fit-il prendre le nom de Madame de Réal, qui est celui, ou à peu près, d'une honnête commerçante dont les cheveux sont dorés et la figure pâle. Et le bon Lupin se disait, si jamais le mauvais Ganimard est sur la piste de la dame blonde, combien il pourra m'être utile de le faire dévier sur la piste de l'honnête commerçante. Sage précaution et qui porte ses fruits. Une petite note envoyée au journal du mauvais Ganimard, un flacon d'odeur oublié volontairement par la vraie dame blonde à l'hôtel Beau Rivage, le nom et l'adresse de Madame Réal écrit par cette vraie dame blonde sur les registres de l'hôtel, et le tour est joué. Qu'en dites-vous, Ganimard? J'ai voulu vous conter l'aventure par le menu, sachant qu'avec votre esprit vous seriez le premier à en rire. De fait, elle est piquante, et j'avoue que pour ma part, je m'en suis follement diverti. À vous donc merci, cher ami, et mes bons souvenirs à cet excellent monsieur Dudouis, Arsène Lupin. Mais il sait tout, gémit Ganimard, qui ne songeait nullement rire. Il sait des choses que je n'ai dites à personne. Comment pouvait-il savoir que je vous demanderais de venir, chef? Comment pouvait-il savoir ma découverte du premier flacon? Comment pouvait-il savoir? Il trépignait, s'arrachait les cheveux, en proie au plus tragique désespoir. Monsieur Dudouis eut pitié de lui. Allons, Ganimard, consolez-vous. On tâchera de mieux faire une autre fois. » Et le chef de la sûreté s'éloigna, accompagné de Madame Réal. 10 minutes s'écoulèrent. Ganimard lisait et relisait la lettre de Lupin. Dans un coin, M. et Mme de Crozon, M. d'Autrec et M. Gerbois s'entretenaient avec animation. Enfin, le comte s'avança vers l'inspecteur et lui dit « De tout cela, il résulte, cher monsieur, que nous ne sommes pas plus avancés qu'avant. Pardon, mon enquête a établi que la dame blonde est l'héroïne indiscutable de ces aventures et que Lupin la dirige. C'est un pas énorme. Et qui ne sert à rien. Le problème est peut-être même plus obscur. La dame blonde tue pour voler le diamant bleu et elle ne le vole pas. Elle le vole et c'est pour s'en débarrasser au profit d'un autre. Je n'y peux rien. Certes, mais quelqu'un pourrait peut-être. Que voulez-vous dire? Le comte hésitait, mais la comtesse prit la parole et nettement. Il est un homme, un seul après vous, selon moi, qui serait capable de combattre Lupin et de le réduire à merci. Monsieur Ganimard, vous serait-il désagréable que nous sollicitions l'aide d'Herlock Sholmès? Il fut décontenancé. Mais non! « Seulement, je ne comprends pas bien. »« Voilà, tous ces mystères m'agacent. Je veux voir clair. M. Gerbois et M. d'Autrec ont la même volonté, et nous nous sommes mis d'accord pour nous adresser au célèbre détective anglais. »« Vous avez raison, madame, » prononça l'inspecteur avec une loyauté qui n'était pas sans quelque mérite. « Vous avez raison. » Le vieux Ganimard n'est pas de force à lutter contre Arsène Lupin. Herlock Sholmès y réussira-t-il? Je le souhaite, car j'ai pour lui la plus grande admiration. Cependant, il est peu probable. Il est peu probable qu'il aboutisse? C'est mon avis. Je considère qu'un duel entre Herlock Sholmès et Arsène Lupin est une chose réglée d'avance. L'Anglais sera battu. En tout cas, peut-il compter sur vous? Entièrement, madame. Mon concours lui est assuré sans réserve. Vous connaissez son adresse? Oui. Parker Street, 219. Le soir même, M. et Mme de Crozon se désistaient de leur plainte contre le consul Bleschen, et une lettre collective était adressée à Herlock Sholmès. Fin de la section 4.